Chapitre 3e, premier rendez-vous. Il était environ 10h30 du matin lorsque on remit à Madame Chazelle un petit paquet de la part de Monsieur le Baron de Kern. Le paquet contenait deux livres, deux romans nouveaux, et une lettre, pareille à toutes les lettres qu'un homme du monde peut écrire à une femme dont il est l'ami. Mais le post-scriptum serra le cœur d'Hélène comme avec une main. Il était ainsi rédigé. Si votre ami de province décide à venir à Paris, le meilleur des appartements meublés que j'ai vu est rue de Stockholm, 16. L'appartement est au second étage, à droite. Oui, Hélène fut saisie d'un tremblement intérieur en lisant ces simples lignes. À mesure que son action se rapprochait d'elle, cette action qui allait séparer pour toujours son passé de son avenir, la fièvre qui la rongeait depuis la veille augmentait encore. Elle venait de sortir du bain, et enveloppée d'une robe de chambre toute blanche, elle s'était tapie au coin du feu sur une chaise basse, les pieds nus dans des mules, la taille libre dans la souple étoffe, la grosse natte de ses cheveux enroulée autour de son cou. Elle frissonnait dans cette robe ouatée, et la lettre d'Armand entre ses doigts, elle regardait tantôt ce papier dont le seul contact la bouleversait, tantôt la chambre, asile qu'elle préférait encore au petit salon, pour s'y retirer dans un domaine bien à elle. Lors de l'installation à Paris, elle avait été si heureuse d'obtenir cette chambre à part. Elle avait connu, durant tant de nuits, le supplice de dormir auprès d'un homme qu'elle n'aimait pas. Et si le sommeil, pris côte à côte, presque souffle à souffle, fait le délice des passions heureuses, l'aversion physique, en revanche, s'accroît par cette intimité, jusqu'à devenir une espèce de haine animale. Les mouvements d'Alfred, le bruit de sa respiration, l'existence seule de ce corps l'irritait, lui faisait mal. Dans les heures qu'elle passait ainsi auprès de lui, alors que le silence pesait sur leur repos et qu'elle veillait, frémissante et révoltée. En demandant cette séparation de chambre, elle n'avait certes pas prévu que la solitude de son lit lui servirait un jour d'arme contre le partage matériel, cette affreuse rançon de l'adultère que les femmes prudentes acceptent comme une sécurité. Rarement celles qui trompent leur mari font lit à part. Elles préfèrent ne pas avoir emporté auprès de leur amant le souci de surveillance peu conciliable avec l'entier plaisir. Mais Hélène n'était pas capable de ces calculs. Le trait le plus charmant de son caractère était une spontanéité qui pouvait l'entraîner dans des périls très grands, mais qui du moins la préserverait toujours de la réflexion dans la faute, cette vilenie plus avilissante que tout le reste. En ce moment même, et sur la chaise basse où elle s'était accroupie, elle ne pensait pas aux conséquences de son acte prochain, elle ne raisonnait pas, elle sentait. La présence de la lettre d'Armand lui infligeait une émotion trop forte. À peine si elle écoutait le bruit que faisait en jouant auprès de son lit son petit garçon. L'enfant secouait ses boucles blondes, s'exclamait, courait. Il avait mis deux chaises à côté l'une de l'autre, et il se glissait entre elles en s'imaginant qu'il était lui-même un train de chemin de fer engagé dans un tunnel. Depuis qu'elle aimait Armand, Hélène éprouvait devant son petit Henri des tristesses étranges qu'elle se reprochait comme un manque de tendresse et qu'elle attribuait au remords. En réalité, sa douleur était de retrouver dans son fils l'étonnante ressemblance avec son mari. Jusque dans ses yeux, l'enfant rappelait les conversations du père, qui, par principe, ne lui donnait comme livre que des ouvrages de science. Et puis, il avait les yeux d'Alfred Chazelle, sa maladresse à se servir de ses mains, et de sa mère seulement le front et la bouche. Elle le gâtait d'autant plus qu'elle se rendait compte de ce qu'elle lui avait pris pour le donner à un autre. L'enfant continuait de jouer et regardait parfois du côté de sa mère. Celle-ci, à une minute, poussa un grand soupir, froissa le papier qu'elle tenait à la main et le lança dans le feu. Ce billet venait de lui être insupportable. Elle se disait bien que c'était plus prudent de la part de son ami de lui avoir écrit sur ce ton de politesse étrangère, mais il est des prudences qui glacent, et dans l'état d'énervement où elle se trouvait, Hélène aurait eu besoin d'une de ces lettres dont chaque phrase pose sur le cœur de celle qui la lit comme une invisible et caressante bouche. le papier froissé, lettre et enveloppe roula dans le feu, et l'enfant quitta les deux chaises avec lesquelles il jouait pour venir auprès de sa mère et voir le papier qui brûlait. « Que regardes-tu là, mon mignon ?» lui dit Hélène. « Les religieuses, maman, » répondit-il. C'est ainsi qu'il appelait ces points lumineux qui courent sur le papier noir d'un papier consumé par la flamme. Ces points lui représentaient des nonnes, éperdues à travers le cloître incendié. « Comme elles se pressent !» disait-il. « Comme elles ont peur !»« Oh, celle-là, maman, vois celle-là, le couvent croule, elles sont toutes mortes !» Madame Chazelle se sentit incapable de supporter cette gaieté. Tout l'odieux de sa situation morale venait de lui être rendu palpable par ce petit fait insignifiant. Son fils faisait un jouet de la lettre où son amant lui fixait leur premier rendez-vous. Elle aurait tant voulu que sa vie d'intérieur, dont elle accomplirait jusqu'au bout les obligations maternelles, fût distincte de l'autre, de la vie de passion où elle s'engageait, entraînée par quelque chose de plus fort que sa raison, de si obscure pour elle-même et de si réelle cependant. Fallait-il donc que cette distinction fût tout à fait impossible, puisque dès le premier jour, tout se mêlait de ce qu'elle aurait voulu séparer. « Va jouer auprès de Miette, » disait-elle à son fils, « j'ai un peu de migraine. » Miette était la bonne du petit garçon. Une femme de chambre, une cuisinière et un domestique mâle complétaient tout le personnel de la maison. Miette, venue de province avec ses maîtres, s'occupait d'Henri depuis sa première enfance. Elle lui chantait le soir, pour l'endormir, des cantiques, dont un surtout le charmait et l'épouvantait. « Venez, divin Messie. »« Qu'est-ce que le Messie ? » demandait-elle à sa bonne, et celle-ci répondait « C'est l'Antéchrist. »« Quand viendra-t-il ? » interrogeait l'enfant. « À la fin du monde. »« Dans combien d'années ? » ?»« 7, » disait la bonne. « Alors j'aurai 12 ans, » calculait Henri. Cette étonnante prédiction l'avait frappé la veille au point qu'au seul nom de sa bonne, il commença de la raconter à sa mère. À toute autre minute, cette confidence l'eût amusé. Mais il avait, tout en parlant, un regard dans ses prunelles d'un gris clair que la jeune femme connaissait trop bien. « N'aie pas peur, dit-elle, puisque tu es sage, et va jouer. » Le petit garçon jeta un coup d'œil sur le feu où le résidu noir marquait seul la place du couvent incendié, sur des chaises dont les dossiers n'étaient plus les murs d'un profond tunnel, sur sa mère, afin de savoir s'il ne pourrait pas rester. Inconsciemment, il fut touché de la tristesse répandue sur ce visage, par une de ces intuitions presque animales qui sont propres aux enfants trop sensibles. Il devina que sa présence était pour sa mère une contrariété. Il lui baisa la main, puis tout d'un coup fondit en larmes. « Qu'as-tu, mon ange, qu'as-tu ? » dit Hélène en le pressant dans ses bras et le couvrant de baisers. « J'ai cru que tu t'es fâché contre moi, » fit-il. Puis, réchauffé par les caresses, il dit « Je m'en vais, maman, je serai sage. » Est-ce que les enfants ont des pressentiments ? Se demanda Hélène demeurée seule. On dirait que celui-là se rend compte qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et les coudes sur les genoux, le menton sur ses mains fermées, elle retomba dans l'état de fièvre qu'il avait tenu éveillé toute la nuit. La meurtrissure nacrée qui cernait ses yeux révélait trop cette insomnie. À son lever, elle s'était regardée dans la glace et elle s'était dit « Je ne suis pas jolie, je ne lui plairai pas. » Ce qui l'avait rongé, ce n'était ni des raisonnements de pruderie, ni des réflexions de morale. C'était une sorte de langueur ardente. Elle voyait Armand en pensée, et comme une ondée de sang lui affluait au cœur, plus chaude, sa gorge se serrait un peu et sa volonté défaillait. Ce n'était pas seulement sa première intrigue, au sens où le monde prend ce terme, c'était son premier amour. Hélène Chazelle, lorsqu'elle était encore mademoiselle de Vèvres, avait subi l'une des plus douloureuses épreuves qui puissent peser sur une jeunesse. Elle avait été persécutée par une belle-mère qui la haïssait, en croyant seulement la bien élever et la corriger. L'espèce de château que les de Vèvres habitaient, à 4 kilomètres de Bourges, avait été pour la petite fille une prison. Le père, homme faible et qui nourrissait une innocente manie, celle d'une collection archéologique, patiemment, complaisamment ramassée, n'avait jamais soupçonné le drame muet, joué entre la belle-mère et la belle-fille. 12 années durant, Madame de Vèvres aimait son mari, et sans le bien comprendre elle-même, elle était jalouse de la morte, de cette première femme, dont elle retrouvait la grâce ressuscitée dans les traits de l'enfant, dans ses sourires, dans ses gestes. Rien n'est dangereux comme un mauvais sentiment de l'existence duquel nous ne nous rendons pas bien compte. Nous trouvons pour le satisfaire toutes sortes d'excuses qui nous permettent d'assouvir notre haine sans cesser de nous estimer. C'est ainsi que Madame de Vèvre, s'étant chargée de l'éducation d'Hélène, fit de toute leçon, de tout avertissement, un moyen de torture. Cette femme, jolie et fine mais sèche, très soucieuse du décorum, à cause des longs séjours qu'elle avait faits à Paris auprès de son père, député officiel sous la monarchie de Juillet, était avec cela dévote, d'une dévotion minutieuse et malveillante par instinct, comme toutes les personnes qui se sont habituées à ne jamais admettre la juste sensibilité d'autrui. Quand Alfred Chazel s'était lié avec M. de Vèvre, grâce à leur goût commun pour les fouilles et les antiquités, elle avait vu avec joie qu'il s'éprenait d'Hélène. Cela lui faisait un plaisir secret de marier sa belle-fille à un homme sans fortune, et comme la dot était très petite, de la condamner à une existence médiocre pour bien longtemps. La mort, qui ne compte pas plus avec nos mauvais calculs qu'avec nos bonnes intentions, s'était chargée de faire avorter l'odieux espoir de cette femme, dans lequel la pauvre Hélène n'avait pas vu plus clair que M. de Vèvre lui-même. Ce que la jeune fille comprit, le jour où Chazel la demanda en mariage, c'est qu'elle allait être libre de la tyrannie de sa marâtre. Elle apercevait nettement ce à quoi elle échappait, quant au mariage et à ses réalités physiques, qu'en eût-elle su. Elle se trouvait donc, au sortir de l'église, dans une situation morale très périlleuse. Son enfance, passée ainsi dans une oppression continue, avait développé à l'excès chez elle le goût du romanesque, ce pouvoir de se façonner à l'avance une image de la vie à laquelle on compare ensuite la vérité. Son mariage futur lui était apparu, à travers la joie de sa délivrance, comme un paradis de délices. Le malheur voulut qu'Alfred Chazel fût un de ces hommes qui, avec toutes les bontés, toutes les délicatesses au fond du cœur, ignorent pour toujours la nature de la femme. L'accomplissement du mariage fut pour Hélène quelque chose d'aussi odieux qu'inattendu, comme un tribut payé à une maladroite brutalité. Il en résulta qu'elle reçut les caresses de son mari avec une répugnance mal dissimulée, qui rendit plus timide encore cet homme, déjà timide par nature et gauchement passionné, comme le sont souvent ceux qui n'ont pas amorti dans les liaisons faciles la fougue première de leur jeunesse. Alfred eut une peur secrète de montrer sa tendresse à sa femme. Il lui cacha un amour dont l'intensité l'eût peut-être touché, si elle avait pu le voir. Le divorce moral entre deux époux a presque toujours le divorce physiologique pour cause première et cachée. Si la volupté partagée est le plus grand agent de fusion des caractères, la possession torturante qu'un homme exerce sur une femme demeure le principe assuré d'une invincible antipathie. Il arriva dans le ménage Chazel, comme dans tous les ménages semblables, que cette antipathie première s'accrut de semaine en semaine, par cette raison que deux êtres condamnés à vivre côte à côte se donnent sans cesse des motifs de s'aimer plus ou de se haïr davantage. Tous les menus événements de la vie ne les rendent-ils pas plus présents l'un à l'autre à chaque minute? Les divergences de goût, d'idées, d'habitudes qui séparaient Alfred d'Hélène eussent fourni à cette dernière, s'il avait aimé son mari, des prétextes à une tendre éducation. Elle n'y trouva, ne l'aimant pas, que des raisons pour se détacher de lui plus encore. Alfred Chazel était en effet un fils du peuple, et malgré l'affinement intellectuel de deux générations, l'origine paysanne reparaissait en lui à des gaucheries de gestes et d'attitudes. Il n'était pas commun, et en même temps il manquait de manières. Hélène, au contraire, était d'une famille noble, et la surveillance continue de sa belle-mère avait développé à l'extrême en elle le sens des petits soins de détail sur sa personne et autour d'elle. La façon de manger de son mari la choquait, sa façon d'aller, de venir, de s'asseoir, une certaine lenteur qu'elle avait à saisir tout ce qui était le côté matériel de la vie. Lorsqu'il fallait accomplir un mouvement rapide et précis, dans une promenade, à table, dans un magasin, il demeurait une seconde, la bouche un peu béante, l'air effaré, comme un paysan qui traverse une gare de grande ville. Alfred, d'ailleurs, aimait à dire qu'il était un homme abstrait, que le monde extérieur n'existait point pour lui, et c'était vrai, car deux influences avaient contribué à le déraciner de ce monde extérieur, le passage subi de sa famille d'une classe sociale dans une autre, la nature de ses études mathématiques. Sa femme n'avait jamais pu obtenir de lui que le cordon de son lorgnon ne fût pas cassé, puis noué en plusieurs endroits, que le col de son pardessus fût baissé, la soie de son chapeau lissée, sa cravate nouée convenablement. L'incurie particulière aux hommes de pensée était visible sur toute sa personne. On eût fait rougir Hélène d'indignation et de honte si on lui avait dit le rôle joué par ses misères dans son antipathie conjugale. Mais la vie du cœur n'est-elle pas, comme la vie physique, une addition d'infiniment petits? D'ailleurs, ces faits minuscules, et qui formaient masse par leur total, symbolisaient une cause essentielle de dissociation entre les deux époux, la différence absolue entre leurs deux esprits. L'instruction d'Hélène avait été peu solide. Elle n'avait pas été munie de la somme de connaissances positives qui seule tient en équilibre l'intense développement de la rêverie. Aussi, toutes ses lectures de jeunes filles et de jeunes femmes s'étaient-elles tournées du côté des œuvres d'imagination, pour lesquelles Alfred professait le mépris naïf du savant dont la culture littéraire est presque nulle. Il lui paraissait prodigieux, et il le disait ingénument, que dans le siècle de la chimie, de la vapeur et de l'électricité, des êtres intelligents s'employassent à composer de pareils bilvesés. Cela faisait qu'en causant, le mari et la femme n'avaient d'opinion commune sur rien. Alfred sentait bien, entre Hélène et lui, se creuser un abîme de moins en moins franchissable, et il en souffrait, mais comme d'un malheur incompréhensible. Que lui manque-t-il pour être heureuse, se demandait-il, et il dressait en pensée, méthodiquement, la liste des conditions de bonheur qui se trouvaient réalisées autour de sa femme. Nous avons de la fortune, un enfant charmant, elle a voulu habiter Paris, nous y sommes, je lui laisse toute sa liberté, j'ai en elle la plus absolue confiance, je lui fais honneur par ma position, tout nous sourit, nous flatte, et elle n'est pas heureuse. Non, Hélène n'avait pas été heureuse, et par ce matin d'une journée d'hiver qui devait être pour elle une date inoubliable, elle sentait tout son passé de mélancolie refluer sur elle. Mille scènes se représentaient, et elle comprenait qu'à travers toutes, elle s'était acheminée vers cette heure où allait commencer, croyait-elle, sa véritable vie. Bien souvent, à Bourges, et tandis qu'elle suivait avec son mari la promenade de Serancourt, elle s'était demandé si jamais, jamais elle ne connaîtrait le bonheur. Le chaud rayonnement en elle, d'une lumière qui éclaircirait les froides ténèbres où elle languissait. Son mari l'entretenait de ses projets, de sa vie à l'école, de ses camarades, avec ce calme qu'il mettait à toute chose, ayant pour principe qu'il faut prendre l'existence par son beau côté, se soumettre, accepter. Ses discours la terrassaient de tristesse. Elle soupirait vaguement après un infini d'émotions qu'elle concevait comme possible et dont elle trouvait la trace, le reflet, dans quelques phrases des romans qu'elle lisait quand il y était question d'amour. De tous les sentiments de la vie, c'était le seul qu'elle ne connut pas. Elle avait été fille et elle avait chéri son père, mais son affection avait été cruellement déçue. Elle avait été sœur, mais la petite Adèle, la fille du second mariage de M. de Vèvres, ressemblait à sa mère, et Hélène n'avait jamais pu s'attacher à elle entièrement. Elle avait eu des amis, mais lui avait toujours semblé que ses amis ne sentaient pas comme elle. Et jamais elle n'avait osé leur parler de ce qui lui était le plus intime, le plus cher au cœur. Elle aurait été pieuse si la vue de la piété de sa belle-mère ne lui avait donné une aversion pour des pratiques religieuses qui pouvaient servir, elle le voyait trop, à justifier les pires égoïsmes. Elle était mère et elle aimait son fils. Mais comme pour sa petite sœur autrefois, une ressemblance l'arrêtait dans ce sentiment. Le petit Henri lui rappelait par trop Alfred à de certaines minutes. C'est alors, et quand elle avait constaté la banqueroute de sa première jeunesse, que son imagination lui figurait l'aurore d'un sentiment réparateur. Et ce mystérieux sentiment, que pouvait-il être, sinon celui qu'elle ne connaissait pas, et dont tout célébrait la douceur, la puissance, la félicité? Mais non, se disait-elle, aimer est un crime quand on n'est pas libre. Elle se rappelait alors des conversations entendues au jour de ses amis de Bourges, et comme on parlait de la femme d'un médecin qui s'était enfui avec un jeune conseiller de préfecture. Et puis, elle rencontrait des hommes qui ressemblaient si peu à l'image qu'elle se formait de celui qu'elle avait pu aimer. Elle se souvenait de la douloureuse surprise que lui avait causée précisément ce monsieur de Varade, dont on avait parlé à Dekern. Elle avait cru à la vérité de sa sympathie. Il venait chez elle. Ensemble, ils faisaient un peu de musique. N'avait-il pas essayé de lui faire violence un soir qu'ils étaient seuls à la maison? Elle n'avait rien dit à son mari, de peur d'un scandale et d'un duel. Elle n'avait plus jamais reçu seule le jeune officier. Elle ne se doutait pas qu'il s'en était vengé en disant qu'elle avait été sa maîtresse. Par quelle familiarité avait-elle provoqué l'audace de ce donjon de garnison? Elle n'était cependant pas coquette. Ce qui naissait en elle devant un inconnu, c'était bien plutôt l'appréhension d'un froissement que le désir de plaire. Elle n'avait pas été coquette davantage avec Armand Dekern. S'il y avait un homme dont elle ne se fût pas approchée avec le désir de le séduire, c'était assurément celui-là. Son mari le lui avait tant vanté. Quand nous étions au collège, Armand et moi, Armand m'a écrit. Hélène avait prévu quelque autre Alfred plus prétentieux. Elle s'était dit qu'il lui faudrait un jour subir dans son intérieur, si jamais elle quittait la province, la présence de cet ami, qui serait un juge hostile et qui provoquerait entre elle et son mari des difficultés nouvelles. S'ils étaient séparés l'un de l'autre par tant de causes, sa propre réserve et la bonté d'Alfred faisaient que du moins cette séparation n'éclatait pas en scène et en dispute. Qu'allait-il advenir de l'intrusion de ce camarade d'enfance dans leur ménage? Elle se le demandait presque avec anxiété lors de son premier voyage à Paris. Cette rapide entrevue avec M. Dekern avait modifié la nuance de ses craintes. Il était venu prendre les Chazelles à leur hôtel, et ils avaient dîné tous les trois dans un restaurant du boulevard. Hélène avait été surprise de l'aspect extérieur d'Armand et du contraste qu'il présentait avec la négligence d'Alfred, mais aussi les questions du jeune homme, sa façon aiguë de regarder, l'ironie dont a été teintée ses moindres paroles, avec cela une indéfinissable nuance de mépris à l'égard d'Alfred, qu'une finesse de femme devait remarquer, l'avait désorientée en lui donnant un petit frisson de défiance. Elle aurait souhaité ne jamais revoir cet homme. Elle n'avait pu s'empêcher de dire à son mari cette antipathie, et il avait répondu « Il a l'air comme cela, mais il est si bon, et puis il a été si malheureux. » Et il racontait à sa femme l'enfance d'Armand, l'égoïsme de son tuteur, ses tristesses d'adolescent, et il le plaignait d'autres souffrances mystérieuses. « Il a mal pris la vie. » Il était riche. Il n'a pas employé ses belles facultés. Il ne m'en a rien dit, mais j'ai toujours cru qu'il avait traversé quelques grandes passions. Hélène eût été bien étonnée si on lui avait révélé que la sorte d'angoisse avec laquelle sa pensée s'arrêtait sur l'intimité probable de cet inquiétant personnage enfermait le genre de souci qui précède souvent l'amour. L'installation à Paris avait eu lieu. Armand avait commencé de venir les voir, d'abord dans leur appartement meublé, puis dans le petit hôtel de la rue de la Rochefoucauld. C'était lui qui le leur avait trouvé, lui qui s'offrit complaisamment à l'aider pour les 1000 courses que nécessitait la mise en état de ce nouveau logis. Dans le tête-à-tête constant de ses courses, soit qu'ils se retrouvassent chez un marchand, soit qu'ils fissent ensemble une promenade à pied de fournisseur en fournisseur, soit qu'ils sortissent en voiture, comme il arriva bientôt, Hélène apprenait à connaître toutes les charmantes qualités extérieures d'Armand. Au rebours des hommes tout occupés de science ou d'avancement, qui se rencontraient chez son mari, celui-ci paraît s'en attacher aux mérites acquis, aux connaissances positives, qu'une importance secondaire. Les questions de sentiment l'intéressaient seules. Chez les divers hommes qu'elle avait pu voir, Hélène avait constaté la même idée sur l'amour, à savoir que c'est une chose de jeunesse, relégué au second plan, et que les personnes raisonnables ne doivent jamais mettre en balance avec des intérêts de famille ou de carrière. Les discussions qu'elle avait eues avec Armand lui révélèrent quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi au rapport des deux sexes l'un avec l'autre. Il avait cette imagination du cœur que les femmes confondent si aisément avec la sensibilité vraie, et cette expérience de la vie amoureuse qui fait le prestige des libertins auprès des plus honnêtes. L'expression de mélancolie qui lui était familière semblait dire que cette expérience avait été payée de cruelles déceptions. Ce furent ces douleurs inconnues qui achevèrent l'œuvre de séduction commencée par l'étonnement craintif et continuée par l'admiration de la provinciale devant le Parisien. Car la supériorité d'entente de la vie qui distinguait le jeune homme correspondait chez Hélène à trop d'aspirations comprimées pour qu'elle y demeurât indifférente. C'était lui dont elle retrouvait le goût épars sur les murs de son petit salon, lui qui avait choisi et fait placer cette vieille tapisserie dans cet angle, lui qui, entre plusieurs meubles, avait préféré celui-ci, entre plusieurs étoffes, celle-là. Cette admiration attendrie qui la faisait se dire à elle-même quel bonheur ce serait de le consoler de tout ce qu'il a souffert, avait abouti bientôt à une espérance, celle que sa présence lui fût déjà réellement une douceur, car il s'occupait d'elle avec une visible sympathie. À plusieurs reprises, elle l'avait entendu lui dire « J'étais invité ce soir chez madame, mais je me suis dégagé pour passer la soirée avec vous. » Un jour, elle s'était avouée elle-même qu'elle l'aimait, à l'occasion d'un de ces événements insignifiants qui sont dans la nuit du cœur comme de petites lumières montrant un immense gouffre. Armand, qui devait venir dîner rue de la Rochefoucauld, s'était excusé par un billet où il se disait souffrant. Elle avait envoyé Alfred chez lui, et Alfred n'avait trouvé personne rue Lincoln. À la douleur que la jeune femme ressentit, elle reconnut l'étendue de l'intérêt qu'elle portait à M. de Kern, et pour son malheur, elle reconnaissait cela dans un moment où elle devait douter sur un de ces tout petits chagrins qui sont de grands désastres en amour que son sentiment fût partagé. Au lieu de combattre cet amour, comme elle eût fait si elle se fût crue aimée, elle se disait « Pourquoi a-t-il manqué à sa promesse ? Avec qui a-t-il passé sa soirée ?» Quand elle le revit, il lui parla avec un peu de dureté. Elle laissa voir son visage bouleversé. Il lui prit la main doucement. Elle fondit en larmes. À partir de cette heure, elle ne fut plus capable de cacher le trouble que la seule vue d'Armand lui inspirait. Elle commença d'entrer dans cette période où l'âme se trouve sans cesse partagée entre la vue de la pire infortune et celle de l'extrême félicité. Comment raisonner alors ? Armand, qui connaissait trop bien les étapes de l'amour pour ne pas s'apercevoir des progrès qu'il faisait dans le cœur d'Hélène, eut cette habileté de lui montrer qu'il doutait de son sentiment pour lui et qu'il était malheureux de ce doute. Il l'amena ainsi tour à tour à lui dire qu'elle l'aimait, à se laisser prendre les mains, les bras, la taille, à prêter sa joue, ses yeux, sa bouche, à ses baisers. Rien n'était plus contraire que ces familiarités progressives aux idées qu'Hélène se faisait sur la manière dont une femme doit se conduire vis-à-vis d'un homme qu'elle aime. Elle considérait, comme toutes les créatures vraiment loyales, que tromper un peu équivaut moralement à tromper tout à fait. Mais elle cédait à la moindre souffrance exprimée par les yeux du jeune homme avec une faiblesse qu'elle se reprochait à chaque fois pour retomber encore. « Ah, ne souffre pas, qu'importe si je me perds !» C'était la traduction des regards de la pauvre femme, la parole qu'elle prononçait tout bas. Elle n'avait pas menti quand elle lui avait posé cette question douloureuse. « Du moins, seras-tu heureux ?» Et à quelques heures de cette minute où elle serait à lui entièrement, c'était cette espérance et cette incertitude qui surnageaient par-dessus tout le reste. « Ah » songeait-elle, « pourvu que je voie dans ses yeux cette lueur. Je deviendrai ensuite ce que je pourrai. Qu'importe si je lui ai donné cela ?» Elle en était à ce point de sa rêverie lorsqu'un baiser la fit tressaillir. Alfred venait d'entrer afin de lui souhaiter le bonjour. Sorti avant 8 heures, il ne l'avait pas vue encore, et la trouvant si jolie dans la robe de molle étoffe qui dessinait ses gracieuses épaules, son buste et la ligne de ses jambes terminée par ses pieds nus, blancs et bénés de bleu dans leur mule noire, il n'avait pu se retenir de s'approcher d'elle et de lui voler un baiser sur la place douce de son cou, entre l'oreille et la nuque. Ce lui fut une telle surprise au sortir de l'univers d'idées où elle venait de s'absorber qu'elle jeta un petit cri. « Paresseuse, frileuse, peureuse !» dit Chazelle qui essaya de plaisanter pour dissiper l'expression de colère que sa caresse venait de provoquer sur ce charmant visage. « Sais-tu quelle heure il est ? Midi moins le quart. Tu ne seras jamais prête pour le déjeuner. Que lis-tu » continua-t-il en prenant les 2 volumes envoyés par M. de Kern qui traînaient sur la petite table. « Encore des romans ? Mais ils ne sont pas coupés. Qu'as-tu donc fait tout le matin ?»« J'ai rangé des papiers et réglé des comptes. » Que sa bouche en avait proféré de ses petits mensonges, et pas un qui ne lui coûta un cruel effort, même les plus légers, les plus innocents. « Veux-tu sonner, Julie ? » reprit-elle. « Je vais me coiffer et je suis prête dans 10 minutes. » « Je ne te gêne pas en restant ? » dit-il. « Pas trop pour le moment, » répliqua-t-elle, et déjà elle était dans son cabinet de toilette. Elle avait passé un mince peignoir de batiste. Il déployait ses beaux cheveux châtains qu'elle peignait elle-même. Alfred, demeuré debout, s'appuyait contre un des battants de la porte et lisait un journal qu'il avait tiré de sa poche. Le froissement seul du papier agaçait les nerfs d'Hélène, parce qu'il lui rappelait la présence de cet homme et que cette présence, à ce moment, lui paraissait une profanation. Ah, si Armand eût été là, au lieu de l'autre, qu'elle eût trouvé de charme à l'associer ainsi au petit mystère de sa toilette. Mais de celui qu'elle n'aime pas, cette familiarité déplaît tellement aux femmes que même les filles en souffrent. La pudeur, chez toutes, vertueuse ou non, commence ou finit l'amour. Alfred n'avait jamais compris cela. Il était toujours amoureux d'Hélène, et ses entrées subites dans son intimité lui procuraient un bonheur muet, tout composé de désirs craintifs, de furtives contemplations. Par-dessus son journal ouvert, il regardait les mains blanches aller et venir parmi les souples cheveux, la forme gracieuse des bras que les larges manches, rabattues à de certains mouvements, laissaient à découvert. Comme il aurait voulu les manier, ses cheveux qu'elle lui refusait toujours, et elle aussi regardait ses cheveux avec bonheur, malgré la souffrance que son mari lui causait en restant là, car elle constatait qu'ils étaient aussi longs, aussi ondulés qu'à l'époque où elle était une jeune fille. Chaque fois qu'elle donnait des soins à sa beauté maintenant, elle s'étudiait avec une enfantine inquiétude, épiant les moindres plis sur ses tempes, autour de ses lèvres, autour de son cou, se demandant si elle était assez jolie encore pour enivrer celui qu'elle aimait, et elle se souriait dans la glace en tordant ses cheveux. Et comme elle se penchait un peu, elle vit, dans un coin de cette même glace, le visage de son mari reflété, avec un éclair dans les yeux, cette rapide lueur de désir qu'elle connaissait et haïssait trop. Elle eut un frisson, comme si elle se fût réveillée exposée nue sur une plage publique. Elle rougit violemment et il dit « Je ne sais pas pourquoi Julie n'est pas là. Sonne encore, je te prie, et laisse-moi. » Elle se leva, ferma la porte en repoussant Alfred et restait seule, sentit les larmes lui venir. « Ah !» se disait-elle, « je l'aime mal. Est-ce que ces misères ne devraient pas m'être douces, puisque je les souffre pour lui ?» Elle pensait ainsi, à la table du déjeuner, vêtue maintenant d'une robe de couleur sombre et les pieds chaussés de bottines, ces bottines avec lesquelles elle devait marcher tout à l'heure, dans bien peu de temps, car le cartel appendu au mur marquait 12h35, pour aller du côté de cette rue de Stockholm qu'elle ne connaissait même pas de nom avant le billet de son ami. Où était-ce? Quelle physionomie aurait la maison? Ses veines, à cette seule idée, lui paraissait rouler une liqueur enivrante et brûlante. Rester en place était pour elle un supplice, et quant à manger, elle ne le pouvait pas. Il lui semblait que sa gorge était si serrée que même un morceau de pain n'y passerait pas. Le petit Henri causait avec son père, et comme à deux ou trois questions de ce dernier, elle n'avait même pas répondu. « Que tu es singulière aujourd'hui? Es-tu souffrante ?»« Moi ?» fit-elle. « Mais je suis très gaie, très en train. » Et elle se mit à rire et à parler très haut. « Aurait-il des soupçons ?» se demandait-elle. « Mais qu'importe. » « Que fais-tu cet après-midi ? » interrogea encore Alfred machinalement. « Est-ce que vous m'emmenez avec vous, maman ?» dit Henri. « Non, mon mignon, » répliqua-t-elle en évitant de répondre à son mari. « Tu iras aux Champs-Élysées et je te dirai bonjour en passant, peut-être. »« Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? » continua-t-elle, quoiqu'elle eût dès le matin regardé le ciel et le pavé avec une inquiétude impatiente. Et sur la réponse affirmative d'Alfred, « Tu pourras prendre la voiture, » dit-elle. « J'irai à pied, cela me fera du bien. » Ils avaient un coupé au mois dont ils se servaient alternativement, lui pour ses courses d'affaires, elle pour ses visites. « Enfin !» soupira-t-elle, quand elle fut seule dans le petit salon. Alfred partit pour son bureau, Henri pour sa promenade, et les angoisses de sa matinée aboutirent à une détente délicieuse. Déjà dans ce salon, rempli du souvenir d'Armand, elle était toute à son amour. Sa liberté reconquise la comblait d'une joie telle que la vision de l'avenir ne pouvait plus se former devant son esprit. Elle évoqua en pensée le regard de son ami. Elle y alluma cet éclair de félicité qui était comme l'étoile vers laquelle son être se soulevait. « Je lui sacrifie tout, » songea-t-elle, en revenant pour une minute sur les impressions de cette pénible matinée. « Mais plus je lui sacrifie, plus il sentira combien je l'aime. » mais que je l'aime, que je l'aime !» répétait-elle tout haut, avec enthousiasme. Elle regarda sa montre. « Il est 1 heure passée. Il doit m'attendre depuis midi. Quelle surprise, j'arrive si tôt, car il ne m'espère pas tout de suite. » Et vite, elle courut prendre son chapeau. Au fond de sa poche, une voilette plus épaisse pour mettre sur son visage dans le fiacre. Il le lui avait recommandé hier. Et déjà, elle descendait la rue Saint-Lazare, comme une somnambule, sans rien oser regarder autour d'elle. Il lui semblait que chacun voyait à sa tournure, à son pas, où elle se rendait. Et son exaltation avait cédé la place à une sorte d'épouvante, mais une épouvante résolue, comme celle d'un homme de cœur qui marche à son premier duel, lorsqu'elle osa aller un cocher sur la place de la Trinité. « Rue de Stockholm, » dit-elle. « Quel numéro ?» fit l'homme. « Je vous arrêterai, » reprit-elle. Descendre du fiacre devant la maison venait subitement de lui apparaître comme impossible. Ses mains tremblaient lorsqu'elle noua sa double voilette dans la voiture qui commença de rouler, pesante et lente. Du moins, il lui semblait que chaque tour de roue durait 1 minute. Elle regardait défiler les boutiques de la rue Saint-Lazare, puis la cour de la gare, et la vue d'un voyageur qui payait son cocher la fit chercher avec angoisse dans son manchon. S'il avait oublié sa bourse? Non, elle avait 40 francs en petites pièces de 10 francs. Tant pis, elle en donnerait une à l'homme, car d'attendre de la monnaie sur le trottoir, elle ne le pourrait pas. Toutes ces émotions lui faisaient mal à ressentir. Elle aurait voulu fixer son imagination sur son amant. Son amant, car elle allait être sa maîtresse. Comme le son de voix de ses amis de Bourges se faisait méprisant autrefois pour prononcer ses syllabes quand il s'agissait de quelque femme compromise. Puis, l'émotion nerveuse était plus forte. Pourvu qu'il ne devine pas ce que cela m'aura coûté. Ah, que mes pusillanimes craintes ne lui gâtent pas son bonheur. La voiture, cependant, avait gravi le commencement de la pente de la rue de Rome. Elle tournait le long du mur d'un jardin d'hôtel qui fait le coin de la rue de Stockholm, et le cocher se penchait sur son siège pour demander à Hélène où il devait s'arrêter. « Ici, » dit-elle, et elle descendit, plaça la petite pièce d'or dans la main de l'homme en lui disant « Gardez, gardez. » Elle eut peur aussitôt qu'il ne devina pourquoi elle n'attendait pas la monnaie, et elle s'arrêta, occupée à contempler, sans la lire, une affiche sur la muraille, jusqu'à ce qu'elle eût entendu le roulement du fiacre qui s'éloignait. Elle suivit le trottoir, releva la tête avec un battement de cœur qui la rendait comme folle. Le 8, le 10, encore 2 numéros, et c'était la maison désignée dans le billet. Elle entra sous la porte cochère sans rien voir. Elle passa devant le concierge en croyant que ses jambes ne la soutiendraient pas. Ses pieds défaillaient sur les marges du tapis. Encore un effort, et voici la porte de l'appartement du second étage. Elle s'appuya contre cette porte close. Aucun bruit ne se faisait entendre dans l'escalier. Aucun bruit ne montait de la rue. Elle pouvait écouter les battements de son cœur, et au lieu de sonner, elle demeurait là. Elle voulait reprendre un peu de calme avant de paraître devant Armand. Pourquoi était-elle venue ici ? Pour le rendre heureux. À quoi bon lui montrer alors combien elle avait souffert? Son cœur battait moins vite. Elle se forçait à sourire. Et l'idée du bonheur qu'elle allait donner était déjà pour elle un bonheur plus grand que ne venait de l'être son agonie. Elle se décida enfin à sonner. Le tintement fut suivi d'un bruit de pas. La clé tourna sur la serrure et elle s'abattit sur la poitrine d'Armand qui l'entraîna tout de suite dans un petit salon meublé en bleu. Des flammes brillaient dans la cheminée. Du premier regard, Hélène vit qu'il n'y avait pas de lit dans cette pièce. Elle avait tant redouté cette vue dès l'entrée qu'elle éprouva pour Armand une reconnaissance infinie d'avoir choisi leur lieu de rendez-vous de manière à lui épargner ce premier choc. Lui, cependant, avait dénoué ses deux voilettes, défait son chapeau, l'avait forcé de s'asseoir sur un fauteuil au coin du feu et, agenouillé devant elle, l'étreignait presque avec folie en répétant « Ah, mon amour, que tu es adorable d'être venu !» Et il la regardait, avec des yeux que la joie du désir certain de son assouvissement rendait bien tendre. La joie du désir seulement, car en la voyant lui sourire, de ce sourire aisé auquel elle avait forcé son visage pour ne pas lui déplaire, Il venait de se dire que ce n'était pas la première fois qu'elle arrivait à quelque rendez-vous semblable, et une affreuse dualité s'était établie chez lui entre sa pensée et ses sensations. « Elle a un caprice pour moi, » songeait-il, « profitons-en. » « Mais pourquoi toutes les femmes ont-elles la manie de vous raconter que vous êtes leur premier amant ?» Il lui défaisait sous ses baisers les mèches de ses cheveux qu'elle rajustait sur son front avec sa main. « N'aie pas peur, » lui dit-il, « j'ai pensé à tout. » Et il la conduisit à travers la chambre à coucher jusqu'à la porte d'un petit cabinet de toilette sur la table duquel se trouvaient disposées les pièces de son nécessaire de voyage. « Tu pourras te repeigner, » dit-il. « Oh !» dit-elle en rougissant, « vous me faites honte. » En ce moment, il l'avait conduite dans la chambre à coucher, et comme il lui enlevait la jaquette qu'elle portait sur son corsage, un petit objet roula sur le tapis. C'était un peigne de poche en écaille blonde qu'Hélène avait pris avant de sortir, comme elle faisait souvent et sans réflexion. Elle y avait pensé aussi, songea-t-il, puis avec une supplication tendre, « Sois à moi, » lui demanda-t-il. « Mais je suis à toi, » répondit-elle. Un demi-jour régnait dans cette chambre à coucher, car il avait détaché les rideaux de la fenêtre et aussi ceux du lit, de ce lit qu'elle eut la force de regarder pour la première fois. Comme elle aurait voulu lui demander de la laisser seule, elle tourna les yeux vers lui. Il avait commencé de défaire les boutons de son corsage, et elle allait lui dire « Va-t'en ». Lorsqu'elle vit dans ses yeux à lui cette expression de félicité qu'elle avait en rêvé, et elle le laissa faire, avec cette divine faiblesse dont si peu d'hommes comprennent la sublime flatterie. Si la femme qui aime veut être aimée autant qu'elle aime, lui faut-il donc emprunter un peu de leur manège aux créatures sans vraie sensibilité, pour qui leur personne n'est qu'un instrument de règne et qui se donnent afin de mieux posséder? Hélène ne se doutait pas, tandis qu'Armand, ivre de sa beauté, l'emportait dans ses bras, après avoir échauffé ses pieds de baisers et tout à fait défait de sa parure, depuis ses bracelets jusqu'aux épingles de ses cheveux. Non, Hélène ne se doutait pas que même à cette minute, cet homme venait de trouver dans cette absolue soumission à ses désirs, qui avait tant coûté à la pauvre femme, de quoi ne pas croire en elle. « Es-tu heureux ?» lui demandait-elle, couchée sur son cœur une heure plus tard, s'abandonnant à la volupté languissante qui suit les caresses. « Dis, es-tu heureux ? Moi, vois-tu, je suis si heureuse. » Et c'était vrai, car pour la première fois, elle venait de sentir, sous les caresses de cet homme qu'elle aimait si profondément, une émotion inconnue s'éveiller en elle. « Oui, bien heureux, » répondit Armand, et il mentait, car en repassant par la réflexion tous les menus incidents de ce premier rendez-vous, l'entrée avec un sourire, le peigne à porter, la complaisance à se laisser dévêtir, la sensibilité brûlante de sa maîtresse, il se disait de nouveau qu'il n'était certes pas le premier amant d'Hélène, et puis il la méprisait secrètement de ne s'être pas disputé en détail. L'évidente absence de remords de cette femme lui semblait la preuve qu'elle n'avait aucune espèce de sens moral. Il ne se disait pas que s'il avait montré des remords, il l'aurait traitée d'hypocrite, et cependant elle lui parlait. « Vois, » soupira-t-elle, « dès que je t'ai vue, je t'ai aimée. J'ai senti que tu n'avais pas eu ta part de bonheur ici-bas, et j'ai rêvé de te la donner pour tout effacer de tes peines. Il y a un pli sur ton front que je ne peux pas supporter. Quand tu me demandais d'être à toi et que je disais non, je voyais ce pli entre tes sourcils, là, » disait-elle en baisant la place. « Et puis, quand j'ai dit oui, le pli n'y était plus. Voilà pourquoi je suis ici et fier d'y être, car je suis si sûr de t'aimer. » Comme c'est étrange, songeait Armand, qu'aucune femme n'ait assez de science pour se dire « Je fais une vilenie, je mens, je trahis, cela m'amuse, mais c'est une vilenie. » La nappe de la communion et le bord du lit d'une chambre meublée, ce leur est tout un. « Va, mon ange, chante ta romance. » Et il lui ferma la bouche avec des baisers. « Ah » songeait-il encore. « Elle est bien jolie. Si elle avait l'esprit de se taire, seulement... »